Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. Sixième épisode. Les histoires les plus folles circulent sur le terrible cachalot blanc qui a mutilé Ahab. L'une d'elles raconte dans quelles conditions mystérieuses Moby Dick a surgi lors d'une chasse que lui donnait un navire baleinier de Nantucket, l'Albatros, intervenant, tel un ministre des volontés divines, dans un conflit violent qui opposait deux marins du navire baleinier, comme pour épargner à un meurtrier en puissance l'exécution d'une vengeance sanguinaire. Ce récit peut être fabuleux, n'est cependant jamais parvenu aux oreilles d'Ahab qui poursuit inflexiblement sa traque. Matelot, vous voyez ce doublon espagnol? Celui d'entre vous qui lèvera le cachalot blanc, celui-là aura la pièce d'or. Le doublon cloué au grand mât du Pequod était d'or vierge, le plus pur qui fût. Il provenait du centre du monde, la République d'Équateur. Les grossiers marins du bord, dont les mains brutales eussent pu si facilement le faire disparaître au plus noir de la nuit, le vénéraient comme le talisman du cachalot blanc. Cette pièce était un exemple particulièrement exubérant de la fantaisie qui prévaut aux tropiques. Elle portait le dessin de trois sommets des Andes. De l'une de ces éminences jaillissait une flamme. Sur une autre se dressait une tour. Sur la troisième, un coq lançait son cri. Par-dessus était gravé un segment de zodiaque avec ses signes cabalistiques habituels. Un matin, Ahab s'arrêta devant cette éclatante monnaie équatoriale et la contempla longuement, non sans être lui-même discrètement observé par deux vieux marins du navire. Il y a toujours quelque chose d'égotiste dans les sommets et les tours. Voyons. Trois pics fiers comme Lucifer. Cette robuste tour, c'est Ahab, le volcan Ahab, l'oiseau courageux, indomptable, Ahab toujours. Et cette pièce ronde est l'image de l'autre globe, plus rond encore. Et, tel le miroir du magicien, elle ne renvoie à chacun que le reflet de son moi mystérieux. Grandes sont les souffrances et maigres les profits pour ceux qui demandent au monde d'expliquer leur énigme alors que le monde serait bien en peine de s'expliquer lui-même. Tiens, voici Starbuck. Il paraît attiré par le même objet que notre grand vizir. Je n'ai jamais regardé cette pièce de près. Une sombre vallée entre trois puissants et dévots sommets. Il y a là comme le pâle symbole terrestre de la Trinité. Ainsi, dans ce vallon de la mort, Dieu nous enveloppe de partout. Et au-dessus de nos angoisses brille continuellement, comme un phare et une espérance, le soleil de sa justice. Pourtant, hélas, le magnifique soleil n'est pas un point fixe. Et serions-nous tentés à minuit de lui arracher quelques douces consolations? C'est en vain que notre regard le chercherait. Cette monnaie me parle avec sagesse, mais avec tristesse aussi. Je la quitte, de peur que la vérité, en m'ébranlant, ne m'égare. N'est-ce pas Monsieur Stubb à présent? Il a fini d'astiquer les cuves des chaudières. Ils ont fondu du gras toute la nuit. Lui aussi marmonne quelque chose. Encore une explication, j'imagine. Et pourtant, il n'y a qu'un seul texte. Que peut-il donc y avoir de si fascinant dans ce doublon? Ah, mais c'est ce qu'on appelle le zodiaque. Je vais essayer de tirer quelques significations de ces bizarres fioritures. des 12 signes. Par Jupiter, doublon, ton zodiaque représente la vie de l'homme en un unique chapitre circulaire. Voyons, d'abord il y a le bélier, le chien lubrique qui nous enfante, puis le taureau qui nous donne les premiers coups, et voici les gémeaux. Autrement dit, la vertu et le vice. Nous nous efforçons à la vertu quand arrive Cancer. Le crabe qui nous tire en arrière. Soudain, apparaît le lion rugissant, couché sur le chemin, qui nous gratifie de quelques féroces morsures. Nous nous échappons et saluons la Vierge. C'est notre premier amour. Et c'est le petit flasque qui s'en vient à son tour. Je ne vois là rien d'autre qu'un disque d'or. Cette pièce vaut 16 dollars, a dit notre grand vizir. Et à 2 cents le cigare, cela fait combien ? 960 cigares. 960. Mon bon flasque, tu vas grimper là-haut et garder l'œil grand ouvert. Oh, on se presse en foule ce matin. Voici Pipe, notre mousse. Pauvre petit négro. Il n'a plus sa tête depuis le jour où, saisi de panique, il sauta de la baleinière de Stubb, demeura seul pendant des heures au milieu de l'océan. C'est miracle que le navire ait pu le recueillir à la fin de la journée de chasse. Mais dans quel état ? Aujourd'hui, il erre sur le pont comme un idiot, cherchant le petit Pipe qui est mort en lâche. Quelle pitié. Lui aussi a observé tous ses interprètes. Et il veut lire à son tour le doublon avec ce visage d'enfant venu d'un autre monde. Je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Je, tu, il, nous, vous. Ils sont tous myopes. Myopes, comme des taupes. Et moi, je suis une corneille. Je suis bien une corneille, n'est-ce pas ? Myopes, tous. Car il est bien connu qu'un objet cloué au mât est signe de catastrophe prochaine. Vieux capitaine, le cachalot blanc te clouera. Et le jour de la résurrection, quand on repêchera ce vieux mât, on trouvera un doublon logé dedans sous une rugueuse écorce d'huître. Oh, l'or, l'or, l'or, le précieux trésor, l'or. Lorsque des navires baleiniers se rencontrent dans les mers lointaines, il est d'usage qu'une fois les saluts échangés, on se rende visite pour partager les nouvelles, se confier des lettres destinées à l'équipage ou des journaux un peu moins anciens que ceux que l'on possède à bord. Le Pequod avait déjà croisé plusieurs navires, mais Ahab ne consentait à parler avec un capitaine étranger que si celui-ci pouvait lui fournir des informations sur les déplacements de Moby Dick. S'il recevait une réponse négative à l'invariable question, il mettait aussitôt un terme à la rencontre et redescendait dans sa cabine. Ce jour-là, le vieil homme, son porte-voix à la bouche, héla un navire portant les couleurs anglaises, le Samuel Underby de Londres. As-tu vu le cachalot blanc ? Et toi, fais-tu bien ceci ? Il dégagea son bras de sous les plis qui le dissimulaient et leva en l'air un membre blanc en os de cachalot qui se terminait par une tête de bois pareille à un maillet. Armez mon canot, paré à mettre à la mer. En peu de temps, Ahab fut à bord du Samuel Underby. Le capitaine anglais tendit son bras d'ivoire avec cordialité en signe de bienvenue. Akab leva sa jambe d'ivoire pour la croiser avec le bras d'ivoire. On eût dit deux espadons engageant leurs épées. Allez, mon brave, serrons-nous la pince. Tiens, croisons nos os. Un bras et une jambe. Où as-tu vu le cachalot blanc? Et quand était-ce? Allez, défile-moi ton loc. Sur l'équateur, la saison dernière. Que s'est-il passé? J'ignorais tout du cachalot blanc à cette époque. Un jour, nous mettons à la mer pour une troupe de 4 ou 5 cachalots. La pirogue amarre l'un d'eux. L'animal nous fait tourner en rond, un vrai cheval de cirque. Et soudain, du fond de l'océan, brèche un gros cachalot. Il a la tête et le front d'une blancheur de lait et tout couvert de rides. C'était lui. C'était lui. Et des harpons plantés près de sa nageoire de tribord. Ce sont les miens. Ce sont mes fers. Et continue. Eh bien, cet ancêtre bossu à tête blanche se précipite dans la troupe et commence à mordre furieusement ma ligne de harpon. La ligne se prend dans sa mâchoire, s'entortille. Mais nous l'ignorons à ce moment-là. De sorte que plus tard, quand nous allons dessus, nous nous retrouvons d'un bond en plein sur sa bosse. En moins de rien, j'étais aussi aveugle qu'une chauve-souris, noyée dans un brouillard noir. Je percevais vaguement la queue du cachalot dressée sur l'eau, puis elle s'abat et pulvérise ma baleinière. Je saisis le manche de mon harpon planté dans sa chair et m'y cramponne un instant. L'animal sonde alors à la vitesse d'un éclair et les barbes d'un second fer emporté près de moi m'attrapent sous l'épaule, ici, et m'entraîne. Les flammes de l'enfer, me suis-je dit. Mais soudain, Dieu merci, je comprends que les pointes me labourent les chairs tout le long du bras et ressortent près du poignet. Et je suis remonté à la surface. Je ne savais pas alors quel était le cachalot qui m'avait joué ce tour. C'est plus tard que j'ai entendu parler de Moby Dick. As-tu croisé son sillage à nouveau? Deux fois. Sans pouvoir le harponner? Pas voulu essayer, un bras perdu me suffit. Plus de cachalot blanc pour moi. De toute façon, mieux vaut le laisser tranquille, vous ne croyez pas? Sans doute, sans doute. Mais on n'en continuera pas moins à le chasser. Ce dont il vaut mieux se méfier, cette chose maudite, n'est pas la moins attirante. Cet animal est un véritable aimant. Quand m'as-tu dit que tu l'as vu pour la dernière fois? Dans quelle direction allait-il? Il se dirigeait vers l'est, je crois. Oui, et je crois, vers l'est. Comme tous les charpentiers de marine, en particulier ceux des navires baleiniers, le charpentier du Pequod avait acquis l'expérience de nombreux métiers voisins du sien. Il pouvait régler les 1001 problèmes mécaniques d'un grand bâtiment qui reste éloigné des rivages de la civilisation pendant 3 ou 4 années. Tous ces talents divers qu'il exerçait avec adresse auraient pu laisser croire à une intelligence peu commune. En réalité, notre estimable charpentier était un pur manipulateur, placide jusqu'à l'impassibilité, une sorte d'abstraction, œuvrant non pas par la raison, l'instinct ou la science, mais par un processus littéral spontané, sourd et muet. Il ressemblait à ces couteaux de poche à usage multiple, vous savez, qui comportent lame, tournevis, poinçon, que sais-je encore. Ses supérieurs l'ouvraient à l'endroit correspondant aux besoins du moment. Il officiait dans tous ses rôles à son établi assujetti en permanence contre la partie arrière du fourneau. Akab avait quitté précipitamment le pont du Samuel Enderby, et il atterrit avec une telle violence sur un banc de sa baleinière que sa jambe d'ivoire en fut à demi fendue. Ne la jugeant plus tout à fait digne de confiance, il appela le charpentier et lui ordonna de s'atteler cette même nuit à la confection d'une nouvelle jambe. Voilà ce que gagne un honnête charpentier à travailler le bois mort. Huch ! Bon, maintenant, avant de la scier, il faut que j'appelle notre grand vizir pour voir si la longueur conviendra. Un peu courte, je crois. Ah, le voilà qui vient. Eh bien, fabricant d'hommes, vous arrivez à point nommé, monsieur. S'il pète au capitaine, je vais prendre la mesure, monsieur. Prendre ma mesure, pour une jambe. Après tout, allons-y. Et que fait-il là-bas, Prométhée? Je veux dire le forgeron. Il forge la boucle, monsieur. Bien. Quelle belle flamme ardente il nous fait. Eh bien, puisque notre Prométhée est à l'œuvre, je vais lui commander un homme complet selon le modèle que je désire. Monsieur, tu vas lui dire ce que je veux. D'abord, 50 pieds de haut. Puis la poitrine large comme le tunnel sous la Tamise. Deux cœurs-points, mais un front d'airain. Un arpent de bon cerveau. Enfin, laisse-moi réfléchir. Lui faut-il des yeux pour voir à l'extérieur ? Non, mais une lucarne sur le dessus de la tête pour que la lumière éclaire l'intérieur. Voilà. Allez, prends la commande et file. Ça, de quoi parle-t-il ? Qu'as-tu à éternuer ainsi ? C'est l'os, monsieur, qui fait pas mal de poussière. Alors, tire-en la leçon. Quand tu seras mort, ne te fais pas enterrer sous le nez des vivants. Quand la jambe sera-t-elle finie ? Dans une heure, peut-être, monsieur. Hâte-toi donc. Inutile de fignoler, et apporte-la-moi. Oh, vie ! Je suis là, fier comme un dieu de la Grèce, et pourtant l'obligé de ce saut pour un os sur lequel me tenir. Maudite soit cette dette qui nous lie les uns aux autres et jamais ne s'effacera des registres. Ah. Je suis si riche, et cependant redevable jusqu'aux muscles de cette langue avec laquelle je fanfaronne. Allons. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaborski. Sixième épisode avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Pierre Calfon, le capitaine Acab, Olivier Clavery, Starbuck, Didier Brice, Stubb, Frédéric Lebray, Flasque, Rémi Goutalier, Pip, Jean-Paul Bézina, le charpentier, Guy Lamarque, le capitaine du Samuel Enderby, et Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboiliten, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cateau, Pierre-Yves Desmonceaux, François Soul. Et avec Philippe Brunto, disparu en mer. Bruitage. Patrick Martinache. Équipe de réalisation. Philippe Carminati, Adrien Roch, Marie Placet, Jean-Mathieu Zande. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la Bibliothèque de la Pléiade.